Salut, moi c'est Stéphane, Stéphane, comme le prénom. Les gens disent souvent que j'ai tendance à me répéter, et c'est vrai, j'ai souvent tendance à me répéter. Bah du coup j'entends souvent, Stéphane, ça serait bien que tu changes de disque, parce que c'est usant. Alors quand j'ai vu que chez Citroën, jusqu'à 50 euros étaient offerts sur les forfaits freinage, je me suis dit, chouette alors, je vais pouvoir changer de disque. Bah du coup, merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 avril 2018 pour l'achat d'une prestation de freinage dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Ce fut la nuit de Noël la plus mémorable de la vie de Napoléon. En 1800, il échappait à un terrible attentat. Franck Ferrand nous le raconte cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Ce crime politique est entré dans l'histoire sous le nom d'attentat de la rue Saint-Nicaise. Pour nous en parler, j'ai demandé au directeur de la Fondation Napoléon de nous rejoindre. Thierry Lenz arrive de Bordeaux exprès pour nous. Puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Fabienne. Fabienne souhaite connaître l'origine de l'aspirine. L'aspirine, volontiers. Pour le moment, c'est une nuit de fête, certes un peu difficile, que je vous propose de revivre, celle de Bonaparte, Premier Consul. Voici l'histoire d'un Noël qui n'est pas un Noël, car ce qu'il faut bien vous dire, c'est que dans la France issue de la Révolution, les traditions religieuses ont, en tout cas officiellement, perdu droit de cité. Alors, nous sommes là en 1800 et il est vrai qu'en 1800, les choses ont tendance à revenir. Les rites ont la peau dure, vous savez, et en cette année-là, des messes de Noël vont avoir lieu un petit peu partout en France. Elles sont tolérées, mais elles ne sont tolérées que dans des oratoires privés. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'on va tomber sur cette situation un peu paradoxale, d'avoir des messes qui se tiennent dans des salons de maison, juste à côté d'églises qui, elles, sont désaffectées. Mais enfin, c'est tout le paradoxe de cette période révolutionnaire et post-révolutionnaire. Du reste, on n'est pas vraiment un 24 décembre, puisque le nouveau calendrier républicain en vigueur, lorsque vous le regardez, n'indique pas du tout 24 décembre, mais 3 niveauses. Comprenez que nous sommes dans une période tout à fait intermédiaire, complexe à comprendre pour nous, bien entendu, puisque l'ordre vient d'être rétabli, et il le sera encore davantage dans les mois qui suivront, alors que, évidemment, tous les anciens repères issus de la France de l'Ancien Régime, eux, sont partis. Napoléon a fait son fameux coup d'État, vous savez, le 18 Brumaire en 8, donc ça, on en sort tout juste de ce coup d'État. Il y a eu dans un premier temps, on a installé un consul, enfin des consuls provisoires. Les institutions sont dissoutes avec toute licence de créer une nouvelle constitution. Et puis, 3 consuls vont prendre le pouvoir, Bonaparte, Cambacérès et Lebrun. La vérité, vous avez bien compris, c'est que ce triumvirat cache le pouvoir d'un seul homme, puisque l'ensemble du pouvoir exécutif est détenu par Bonaparte. Quand je vous dis l'ensemble du pouvoir exécutif, faudrait voir ce qu'il en est du reste du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, mais c'est une question que je poserai tout à l'heure à Thierry Lenz, car ça ne manque pas d'intérêt, bien entendu. En tout cas, pour ce qui est de l'exécutif, l'homme fort du régime, si je puis dire, c'est naturellement Bonaparte. Bonaparte est nommé pour 10 ans, rééligible à vie. Il a donc 10 années pour réorganiser la France, pour renouer le fil, la chaîne du temps. Ça paraît beaucoup, 10 ans, surtout à l'échelle des mandats qui sont ceux de nos dirigeants actuels. Mais dites-vous que pour l'époque, et étant donné l'immensité du travail à faire, finalement, ça n'est peut-être pas tant que ça. Napoléon affirme son pouvoir pleinement. Je dis Napoléon, Bonaparte, devrais-je dire encore. Il n'est pas empereur, bien sûr. Il réforme les institutions. Il installe le nouveau corps législatif et le tribunat. On lance une commission pour la rédaction du code civil. On va bientôt voir apparaître la nouvelle Banque de France, etc. Bref, les institutions que Bonaparte lèguera à la France sont en cours d'installation à ce moment-là. Et, disons-le, une immense majorité de la population soutient les efforts du Premier Consul pour essayer de relancer en quelque sorte le pays après cette période tellement chaotique, tellement agitée de la Révolution. Il y a bien encore quelques dissidents, évidemment. Il y a des ennemis. Ils sont des deux bords, si je puis dire. D'un côté, vous avez les jacobins purs et durs, ceux qui considèrent que Bonaparte est en train déjà de trahir les idéaux révolutionnaires. Ils se sont exprimés au moment notamment de la conspiration des poignards, quelques semaines plus tôt. C'était le 10 octobre 1800. Cette conspiration a été un échec total et les Jacobins sont sous surveillance très étroite. Quant aux royalistes, eh bien, eux aussi font l'objet d'opérations de police. Ils sont Bonaparte les surveille, il les a constamment à l'œil. On a pacifié la Vendée. La question qui se pose, c'est de savoir jusqu'à quel point. Nous sommes donc ce 24 décembre 1800. Je trouve que c'est plus facile de s'y repérer que si je vous dis que nous sommes le 3 Nivose en 9. Et dès le milieu de l'après-midi, donc de cette veille de Noël, on peut croiser dans le quartier des Tuileries trois hommes en blouse bleue qui portent des hommes de marchands forains. Ils escortent une grosse charrette, une charrette à deux roues mais assez haute sur pattes, si je puis dire. Vous savez, ces espèces de charrettes qui servent précisément à transporter les marchandises d'une foire à l'autre. Cette charrette est tirée par un vieux cheval noir et tout l'attelage est recouvert par une bâche sous laquelle a été disposé un large tonneau de bois. Ce tonneau, en fait, il transporte de la poudre à canon. Vous me voyez venir, évidemment. Pendant tout leur chemin, on voit les trois hommes là ramasser tout ce qu'ils peuvent trouver, des cales, des pierres sur le bord de la route, enfin toutes sortes d'obstacles, si vous voulez, des petites choses qu'ils chargent discrètement sous la bâche dans la charrette. Et ils n'ont pas l'air très rassurés, nos trois hommes. Ils jettent des regards nerveux tout autour d'eux. On voit bien qu'ils sont en train de manigancer quelque chose. Ils vont arrêter leur charrette rue Saint-Nicaise, devant le café Apollon. La charrette a été volontairement installée au milieu de la rue. Elle bloque complètement le passage, il faut bien le dire. Et c'est un emplacement qui est très stratégique, puisqu'on est là exactement dans ce quartier qui n'existe plus maintenant, parce qu'il va être rasé d'ailleurs dans la foulée, qui se situe avec toutes ces espèces de petites rues tortueuses, dont certaines sont héritées du Moyen-Âge, qui se situe entre le Louvre et les Tuileries. On n'est pas très loin, dans ce quartier des Tuileries, on n'est pas très loin de l'endroit où Bonaparte, en l'an 4, hein, le 13 Vendémiaire, avait fait tirer au canon sur les rebelles royalistes. C'est pour les royalistes l'endroit, c'est tout un quartier qui est encore empreint du sceau du martyr. Il est 7h30 du soir, donc il fait totalement nuit, bien entendu. Un des trois hommes se rend vers la grille des Tuileries. Celui-là, c'est le guetteur. Il se met en position, c'est lui qui est chargé de prévenir ses deux complices lorsque le convoi du consul sortira des Tuileries. Les deux autres sont très occupés pour l'instant à éparpiller des pierres amassées tout le long de la route pour créer des obstacles supplémentaires avec l'idée de ralentir le convoi et peut-être d'obliger même certaines voitures à faire des détours, vous voyez, à ne pas cheminer trop droit et surtout trop vite. Dès que le convoi passe à sa hauteur, le guetteur va devoir lever son chapeau pour indiquer à ses complices que l'opération peut commencer. Ils ont offert à une fillette, elle s'appelle Marianne Pesol, la fillette en question, ils lui ont offert 12 sous pour qu'elle tienne la bride du cheval en leur absence. Ils se disent qu'on ne va pas se méfier d'une petite fille, évidemment. Il fait très froid hein, ce soir-là, mais la petite fille accepte parce que, évidemment, 12 sous pour elle, c'est une somme importante. Comment s'appellent nos trois hommes? Ils s'appellent Limoëlan, Saint-Régent et Carbon. Vous pouvez déjà retenir leur nom, car bientôt, ils vont entrer dans l'histoire. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de Napoléon. Cet après-midi, Napoléon Bonaparte, Franck Ferrand, vous nous racontez cette nuit du 24 décembre 1800 dans la rue Saint-Nicaise. Alors, en ce 24 décembre qui ne porte plus son nom, il faut imaginer ce qui se passe tranquillement dans les beaux salons des Tuileries. Joséphine a décidé qu'elle emmènerait ce soir-là son mari à l'opéra. Il n'a pas du tout envie, Bonaparte, mais bon, après tout, il sait que c'est le 24 décembre et c'est une belle soirée. On doit donner la toute première audition d'un oratorio de Haydn qui s'appelle La création du monde. Vous savez, c'est ce qui fait la particularité de ce morceau de musique, c'est la très grande, son caractère imposant. 250 musiciens et chanteurs parmi les plus réputés. On a beaucoup parlé de cette représentation. en quelque sorte, ça doit être une des grandes soirées parisiennes de l'année. Et donc, Joséphine de Beauharnais estime, enfin, on devrait l'appeler maintenant Joséphine Bonaparte, estime qu'elle se doit d'être là. Elle a convaincu, enfin, ça n'a peut-être pas été très facile, mais elle a fini par convaincre Bonaparte de l'accompagner. Ils sont attendus pour 8 heures à l'opéra, l'opéra qui se trouve rue de la Loi. Ça vous dit pas grand-chose, c'est un peu comme le Trois Niveaux, ça. La rue de la Loi, c'est tout simplement la rue de Richelieu actuelle, hein, enfin, qui était déjà d'ailleurs avant ça, la rue de Richelieu, dans le premier arrondissement de Paris. C'est toutes les rues, toutes les places, tout a été rebaptisé à cette époque-là. Une escorte de grenadiers à cheval attend près de la voiture de Joséphine dans la cour des Tuileries, mais il y a également une voiture qui a été prévue pour le premier consul et puis une autre voiture pour la suite et encore une autre voiture pour des gardes. Enfin bref, il y a 5 ou 6 voitures comme ça qui doivent s'ébranler. C'est tout un petit convoi, bien entendu, tout un petit convoi officiel qui doit quitter le palais des Tuileries, passer par la place du Carrousel et... Quand on fait ce chemin pour se rendre jusqu'à la rue de Richelieu, tout ça n'est pas loin, hein, on est dans le plein cœur de Paris, bien entendu. Lorsqu'on fait ce chemin-là, on passe par la rue Saint-Nicaise, qui d'ailleurs, plus loin, se prolonge par la fameuse rue de la Loi. C'est un trajet qui doit faire, en tout, ça fait sans doute, je regarde ça comme ça, mais à vol d'oiseau, ça fait sans doute moins d'un kilomètre. Bon. Mais c'est un trajet qui, en vérité, pourrait se révéler beaucoup, beaucoup plus long que prévu. Dans cette rue Saint-Nicaise, il y a toutes sortes de commerçants, je vous ai dit qu'il y avait des cafés, et comme on a quand même bien l'intention de faire la fête en ce 24 décembre 1800, il y a une certaine agitation, il y a des gens en train de transporter des vivres, des paniers d'huîtres, etc. Il fait un froid terrible. Le premier consul a fini par monter dans sa voiture, il somnole plus ou moins sur son siège. Dans cette voiture figure aussi à ses côtés Berthier, le ministre de la guerre, Lannes, Loriston qui est l'aide de camp de Bonaparte. Son cocher est monté à la place du cocher, bien entendu, et le voilà qui lance la voiture à vive allure. On pense, alors ça, il y a plusieurs auteurs qui disent ça, que le cocher César était un peu ivre ce soir-là, et ça n'a peut-être pas arrangé les choses. Enfin bon, ou peut-être est-ce que ça a finalement sauvé nos personnages. Au passage du convoi, lorsqu'on franchit les grilles des Tuileries, vous savez que Limoëlan est là, il est censé normalement prévenir ses acolytes en levant son chapeau. Sauf qu'en l'occurrence, il est complètement débordé, il n'avait pas vu arriver le convoi qui roule à vive allure. Bonaparte est déjà engagé dans la rue et le bonhomme n'a pas prévenu ses complices. Ce qui fait que les deux autres, lorsqu'ils voient le convoi leur foncer comme ça sur eux, ils sont complètement paniqués, ils ne savent pas quoi faire. Il y en a un des deux qui détale à la vue de la voiture consulaire. Et depuis son siège, le cocher, lui, a aperçu le petit attelage qui se trouvait en travers de la rue. Même si c'est une rue, vous imaginez, encore bien mal éclairée. La voiture est lancée à vive allure. Il arrive à faire tourner bride aux chevaux, ce qui n'est pas évident. Il évite l'espèce de petit attelage. Là, il l'évite de peu. Bonaparte est quand même très secoué. On dit que dans la voiture, tout le monde se retrouve plus ou moins sur les genoux, ça ne doit pas être très agréable, mais ce sont ces voitures du tout début du 19e siècle qui sont extrêmement bien suspendues, vous savez. Celui des trois conjurés qui tient le choc, c'est Saint-Régent. Lui a quand même le sang-froid d'allumer la mèche avant de prendre ses jambes à son cou. Il a 8 secondes avant que la machine infernale n'explose. Au moment où la voiture du premier consul est en train de tourner rue de la Loi, alors c'est la détonation, c'est la déflagration qui fait vibrer littéralement tout le quartier, hein, qui fait tomber les vitres des fenêtres, détonation très assourdissante. La mèche, qui s'est consumée donc très vite, 8 secondes, même pas d'ailleurs, a fait exploser le tonneau qui se trouvait sur la charrette, bien entendu. Ce qui veut dire que, vous imaginez bien, que de la charrette, du cheval et de la pauvre petite fille qui tenait le cheval, il ne va rester quasiment rien. Tout ça a été soufflé littéralement. De même d'ailleurs que les vitres de la voiture de Bonaparte qui explosent. La voiture de Joséphine fait un écart si violent qu'elle manque d'être renversée. une des roues sera carrément cassée. C'est un choc terrible. Ça va être une hécatombe. Il y a des corps qui jonchent le sol. Ceux qui sont encore debout sont complètement en état de choc. Il y a des gens qui vont être d'ailleurs complètement assourdis par cette affaire. Vous imaginez les autres chevaux, bien sûr, qui deviennent fous, qui sont indomptables. Ça se cabre, ça rue dans tous les sens. Les débris de voiture, les fenêtres, les bris de verre partout qui jonchent le sol. C'est une scène de désolation. Et les voitures ne s'arrêtent pas pour autant, bien entendu. Sitôt la secousse et la détonation passées, elles reprennent, elles continuent leur route en direction de l'opéra. Alors à l'opéra, on n'avait pas attendu le premier consul. Les mœurs vont changer dans 3 ans, évidemment, avec l'Empire. Mais pour là, comme ils sont très en retard, les premières notes, les premières mesures de la création du monde avaient résonné. Et là, on entend la détonation, puisqu'encore une fois, on est tout près de là. C'est une détonation qui a fait un bruit terrible. Aussitôt, on arrête la musique. Vous imaginez le brouhaha, le murmure dans la salle. On se dit, mais alors, est-ce que... Parce qu'on pense bien que c'est un attentat. Tout le monde a à l'esprit ce qui s'est passé dans les semaines précédentes. D'ailleurs, on sait que la vie du premier consul est tout à fait en danger. Et on se demande si, oui ou non, Bonaparte est mort. On regarde la porte de la loge. On regarde, on attend, on discute. Certains sont debout. Certains sortent pour essayer de se renseigner. Et finalement, la porte de la loge s'ouvre et là, ça va être une acclamation. Vive Bonaparte, vive le premier consul. Bonaparte fait comme si de rien n'était. Il s'assied, la musique reprend. À la fin du concert, il reprendra sa voiture pour rentrer aux Tuileries. Et là, c'est une foule immense qui l'attend pour l'acclamer. Finalement, pour lui, on peut dire que ce baptême du feu urbain n'aura peut-être pas été inutile. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'attentat de la rue Saint-Nicaise cet après-midi, auquel a réchappé Napoléon Bonaparte. Un attentat qui a fait beaucoup de morts, quand même. 26 morts, une cinquantaine de blessés. Il y a une quarantaine de maisons qui sont complètement endommagées, une dizaine de boutiques dont il faut refaire la façade. Enfin, je vous signale tout ça, je rappelle tout ça pour montrer l'importance de l'attentat. Ça n'a pas été, c'est pas une bombinette qui vient de sauter. Encore une fois, les corps démembrés, éparpillés, tout ça a été décrit. Dans la presse et dans la Gazette de France du 7 niveaux en 9, une presse totalement reprise en main, évidemment, à l'époque. Dans la Gazette de France du 7 niveaux en 9, donc 4 jours plus tard, on parle d'une véritable décharge de mitraille. Tout ça, ça n'est pas bien vu par la population. Parce qu'on se dit que ce n'est pas une façon d'agir. Vous savez, c'est pas une façon directe. Ça n'est pas très noble de tuer quelqu'un en faisant sauter une bombe. Bon, nous sommes malheureusement avec toutes les vagues de terrorisme qui depuis 2 siècles ont pu exister. On est habitués à ce mode opératoire, mais à l'époque, ça choque littéralement. C'est Joseph Fouché, le ministre du premier consul, qui racontera que, il dira, le brûlement de la mèche, l'effet de la poudre et de l'explosion, fut calculé et il en profite pour dénoncer l'atrocité froide de la combinaison avec en arrière-pensée déjà, selon lui, les milieux royalistes. Mais ça ne fait pas l'affaire du premier consul qui, lui, veut qu'on accuse les Jacobins. Il est convaincu, Bonaparte est convaincu que ce sont les Jacobins qui ont fait un nouveau coup comme le 10 octobre. Il a l'intention de se débarrasser d'eux. Il les accuse donc. On procède à un certain nombre d'arrestations. La répression s'abat littéralement sur le milieu jacobin. 130 d'entre eux seront déportés aux îles Seychelles. On crée des tribunaux criminels spéciaux. Bref, le pouvoir de Bonaparte, qui déjà était déjà très solide, ne fait que se renforcer. En 6 mois, plus de 700 arrêts seront prononcés par des tribunaux d'exception, je précise. Bonaparte ne voulait pas croire à la piste royaliste. Et pourtant, en faisant une enquête qui est étonnamment moderne, Fouché va finir par aboutir au milieu royaliste. Alors quand je dis étonnamment moderne, on analyse les débris. Ça, c'est quand même assez incroyable. On reconstitue tout ce qu'on peut reconstituer. On cherche le signalement du cheval. On infiltre les milieux royalistes exactement comme on ferait aujourd'hui. Ce sont des méthodes de police modernes. Ça, c'est assez extraordinaire. Et on va comme ça réussir à remonter jusqu'au vendeur de la jument qui s'appelle Lambelle. C'est lui qui révèle l'identité de Carbon, qu'il décrit comme un homme trapu avec une barbe blonde et une cicatrice au sourcil. On remonte toujours la filière. Carbon va révéler l'identité de ses complices. Et voilà donc, du coup, Saint-Régent arrêté. Eux deux seront condamnés à mort. Quant à Lee Moellan, lui, il parvient à s'enfuir aux États-Unis et d'ailleurs, il finira prêtre, ce brave homme, voyez-vous. Alors là, la répression qui s'abat maintenant sur le milieu royaliste est terrible. On en profite pour liquider, si je puis dire, les derniers chouans. Pas tout à fait les derniers, parce que on les verra agir encore en 1803 et dès l'année suivante, Bonaparte leur donnera le coup de grâce avec l'assassinat ou l'exécution, comme vous voudrez, du duc d'Enghien. Qui était donc derrière cette affaire? Visiblement, un certain nombre de contre-révolutionnaires qui pilotaient l'ensemble depuis l'Angleterre. Nous y venons dans un instant avec mon invité. Bonjour Thierry Lenz. Bonjour Franck. Cette affaire pose beaucoup de questions, alors des questions pratiques et concrètes, nous allons y venir dans un instant, et puis des questions plus politiques, plus générales. Vous êtes l'expert de tout ça. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'à 15h au cœur de l'histoire sur Europe 1. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'attentat de la rue Saint-Nicaise avec votre invité Thierry Lenz. Il est directeur de la Fondation Napoléon et nous avons déjà beaucoup de réactions. Notamment pas mal de tweets. Jean-Marc nous dit que cet attentat semblait connu des Anglais avant qu'il n'arrive. On va voir pourquoi tout à l'heure, justement, même assez vite. Et puis, c'est Jean-Paul qui pose cette question, Thierry Lenz. Est-ce qu'il s'agit du premier attentat à la voiture piégée? Oui, on peut le dire. Enfin, en tout cas, attentat contre un chef d'État et avec une telle violence, oui, bien sûr. Hein, c'est vous l'avez signalé. C'était une bombe, une machine infernale qui devait être dévastatrice et qui, si elle a manqué son but principal, n'a pas manqué les quelques innocents qui se trouvaient dans le quartier. Oui, ça, oui, oui. Bien sûr, ça a fait une belle illumination de Noël. Hein, oui, si d'ailleurs, je peux dire. Vous donniez 26 tout à l'heure, oui. C'est effectivement sans doute le bilan final parce que beaucoup de gens sont morts après. Oui, voilà. En fait, les Carbon et Saint-Régent ont été jugés seulement pour 4. Enfin, ils ont été condamnés à mort quand même assez rapidement. Oui, c'est-à-dire que on ne les a jugés que pour les 4 morts immédiats, initiaux, pas ceux qui sont morts des suites de leurs blessures. La patronne de l'auberge est morte plusieurs semaines après. Elle avait un chaudron enfoncé dans la poitrine, donc elle a eu du mal à survivre, évidemment. Oh là là, oui, et puis ça devait pas être très facile à transporter, naturellement. Un peu d'humour noir ne fait jamais de mal dans ce genre d'affaires. Dans cet attentat de la rue Saint-Nicaise, on est surpris de voir la modernité des mesures mises en œuvre par la police. On pourrait presque parler de police scientifique avant l'heure. Oui, c'est vrai. Il y a eu, comme vous le signaliez, on a examiné les débris. Alors, on a même promené la tête du cheval chez les marchands de chevaux. Hein. En fait, les marchands connaissaient bien leurs bêtes, évidemment, et donc c'est ainsi qu'on a pu l'identifier. Et puis, il y avait eu aussi un travail en amont qui avait été fait par la police de Fouché, qui avait infiltré à peu près tout le monde. Sur l'attentat de la rue Saint-Nicaise, ils n'ont pas eu d'informations en amont, mais vous parliez tout à l'heure de la conspiration des poignards. Il y a très longtemps qu'ils savaient que les Jacobins allaient essayer de tuer Bonaparte la conspiration de l'opéra avec des poignards. Et en fait, Fouché les a attirés dans un piège pour les prendre en flagrant délit. Là, et c'est ce qui a rendu Bonaparte furieux, il n'avait pas vu venir un coup aussi fort. Alors ce qui est étonnant, c'est de voir qu'en un an, puisque le coup d'État a eu lieu à peine un an, 13 mois plus tôt, en un an, Bonaparte a déjà mis en place tout ce système, et notamment grâce à Fouché, cette police très efficace. Oui, alors Fouché est en place à la police déjà sous le directoire, donc il a préparé tout ça. Mais disons que Bonaparte a effectivement lui a laissé relativement les mains libres pour organiser la police, tout en organisant lui-même des polices parallèles. On est déjà en pleine guerre des polices, puisque la gendarmerie, très nombreuse à l'époque en France, ne dépend pas du ministère de la police. Et surtout, Bonaparte a créé, grâce à un de ses aides de camp favoris, Duroc, qui sera plus tard le grand maréchal du palais, il a créé une police secrète qui est exclusivement celle du palais. Ses premiers regards se portent vers les Jacobins, en fait. Bonaparte est convaincu qu'il vient de survivre à un attentat jacobin. Oui. Alors, on ne saura jamais s'il croyait vraiment Ou s'il faisait semblant d'y croire. Ou s'il faisait semblant d'y croire, mais c'est vrai que, à tout point de vue, cet attentat... Donc plutôt de gauche, disons, hein, pour simplifier. Voilà, oui, cet attentat est important parce qu'il a été un outil de renforcement du pouvoir. Et donc, à la fois sur la désignation d'abord des coupables jacobins, il fallait éliminer ce parti jacobin qui était quand même résiduel à Paris, mais enfin qui était quand même actif. On a déporté, on a prévu de déporter aux colonies 130 terroristes. En fait, seulement la moitié est partie, ce qui est déjà beaucoup. Encore une fois, il ne faut pas non plus considérer qu'on avait là affaire à de grands penseurs, à de grands, à des révolutionnaires de la trempe, des Robespierre et de tous ceux qui avaient vécu dans la Révolution. Dans la Bonaparte et Fouché, on ciblait véritablement ce qu'on appelait les septembriseurs, c'est-à-dire ceux qui ont pratiqué les massacres de septembre. C'était quand même la lie du jacobinisme. Hein. C'était plutôt des criminels que des militants tout à fait purs. Je sens vibrer en vous la fibre du défenseur de Bonaparte. Évidemment. Non, mais il faut aussi ramener parce que évidemment on fait toujours de ce problème des déportés jacobins, on va dire une des atteintes à la liberté, oui, une injustice. Alors, il faut quand même reconnaître que là-dedans il y a tous les bouchers qui ont découpé les prisonniers en tranches en septembre 92 hein, oui, par donc, exemple. Voilà. Oui. On règle de vieux comptes, voilà, disons. Voilà. Et puis ce que démontrent les services de Fouché, c'est qu'en fait on a affaire à un réseau royaliste. Alors qui était à l'origine de ce complot et quel était le but des opérations? Alors il y a deux étapes dans la déclaration de guerre des royalistes à Bonaparte. La première, c'est jusqu'au mois de septembre 1800, les royalistes ne sont pas convaincus, mais ils espèrent que Bonaparte va rétablir la royauté. Et donc, à ce moment-là, il y a, on va dire, relativement le calme. D'ailleurs, Bonaparte rencontre Hyde de Neuville, un des leaders. Il rencontre Cadoudal dans son cabinet. Donc, on imagine qu'il va restaurer. Et puis, en septembre, il envoie cette fameuse lettre au comte de Provence, donc le futur Louis XVIII, en lui disant qu'il ne doit pas souhaiter son retour en France. Sinon, il lui faudrait marcher sur 100 000 cadavres. C'est une fin de non-recevoir. Et à partir de ce moment-là, va se développer, on va dire, la deuxième va prendre le dessus. C'est-à-dire que dans un premier temps, dans l'entourage du frère de Louis XVI, hein, de celui qui se considère comme le roi Louis XVIII à l'époque, depuis la mort de son neveu, dans cet entourage-là, on pouvait penser que Bonaparte ferait en quelque sorte le lit. On l'a pensé, oui. On l'a sérieusement pensé, puis on a eu des contacts. Hein, tout ça ne se passe pas dans des vases clos, totalement bien sûr, clos. On a eu des contacts. Il y a dans l'entourage de Bonaparte des gens qui ont des contacts avec le parti royaliste, Talleyrand, Lebrun, Joséphine elle-même. Continue à avoir des contacts avec son ancien milieu. Et donc, on a essayé de dialoguer. Et d'ailleurs, Bonaparte n'a pas répondu tout de suite, parce que la lettre de septembre 1800 est une réponse à une lettre que Louis XVIII, enfin le futur Louis XVIII, lui a adressée au mois de mai, et il a attendu la campagne d'Italie, la victoire de Marengo, pour voir un peu comment les choses allaient tourner. Alors, évidemment, compte tenu de ce qu'on sait de la personnalité de Bonaparte, il n'avait probablement pas l'intention de restaurer, mais il ne voulait pas se fermer cette option-là en cas de besoin. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et c'est à partir du moment où il ferme totalement la porte, après cette lettre de septembre où il dit non, il n'en est pas question, que comme par hasard, les milieux royalistes vont se mettre à vouloir le supprimer. Parce qu'il y a deux tendances chez les royalistes. On va dire qu'il y a la tendance du comte de Provence, futur Louis XVIII, qu'on va négocier, on va garder une forme de majesté. Et puis il y a la tendance du comte d'Artois, le futur Charles X, qui elle est une tendance d'homme d'action. Alors tous à l'exception du comte d'Artois qui envoie toujours tout le monde au casse-pipe mais qui lui n'est jamais là. Et là va donc se mettre en place ce qu'on a appelé l'agence anglaise ou le comité anglais, qui est donc cette organisation, on va dire cette organisation terroriste qui va préparer le premier attentat. Et on l'a appelé l'agence anglaise parce qu'elle a été volontairement, sciemment et nous le savons, financée par le gouvernement britannique. Ce qui explique ce que disait notre auditeur tout à l'heure, hein, que les Anglais savaient exactement ce qu'allait se passer. Oui, bien sûr, ils étaient bien au courant et on avait quand même une certaine pudeur, on appelait ça le coup essentiel et on disait qu'on allait essayer d'enlever le premier consul. Évidemment, on a bien compris que si on pouvait pas l'enlever, on le tuerait. Mais on commençait d'ailleurs par essayer de le tuer. Donc le but, c'est de décapiter le nouveau régime, en quelque sorte, tout pour préparer un débarquement, c'est ce qu'il faut dire. Alors il doit y avoir ça, tout ça doit être suivi d'un débarquement, alors d'un débarquement conduit par le comte d'Artois, donc déjà ils auraient dû se méfier, mais on a prévu en effet de faire débarquer attaquer alors d'abord quelques hommes sur les plages et puis de soulever tout l'ouest de la France en faveur de ce retour de la légitimité, comme on disait à l'époque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les royalistes, loin de là, ne sont pas partis qui en Angleterre, qui dans différents pays d'Europe. Il y en a beaucoup qui continuent de vivre, qui ont subi les choses et qui continuent de vivre sur place, sur le sol français. Oui, oui, et même à Paris, le quartier du boulevard Saint-Germain actuel, c'était un quartier typiquement royaliste. Les vieilles familles étaient restées là, avaient pu, dans l'ensemble, conserver leurs biens, et avaient à ce moment-là des hésitations. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, les premiers mois du consulat de Bonaparte sont quand même des mois assez forts, avec une réorganisation, une reprise en main, le retour de l'ordre public aussi, qui a été très très important dans l'adhésion des populations. Et ces gens-là commencent à se dire, si ce régime-là n'était pas la monarchie sans roi que nous attendons depuis longtemps, après tout, pourquoi pas. Et l'attentat va encore rapprocher ces milieux de Bonaparte, ce qui fait que pour lui, même s'il a risqué gros, même s'il y a eu beaucoup de victimes, le bénéfice politique est énorme. En quelque sorte, on peut dire que les organisateurs de l'attentat ont tout faux. C'est comme ça qu'il faut le dire. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi jusqu'à 15h, Franck Ferrand, vous nous parlez de l'attentat de la rue Saint-Nicaise contre Napoléon Bonaparte. C'était au jour de Noël 1800 et votre invité, c'est Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon. Alors Thierry Lenz, il faut peut-être redire un mot de ceux qui ont commis cet attentat, c'est-à-dire Saint-Régent, Limoilan et Carbon. Donc il y en a un qui est devenu Limoilan, lui il est parti aux États-Unis. Il est devenu prêtre, il a dû mourir dans les années 1820, donc il n'a aucune conséquence. Les deux autres étaient au fond, c'était finalement des amateurs, enfin vous l'avez montré au cours du récit. Oui. C'est un peu les pieds nickelés, ce qui va d'ailleurs beaucoup faire réfléchir les conspirateurs royalistes qui, au moment où ils vont recommencer en 1803-1804, là vont envoyer sur place, on va dire, de vrais professionnels. Parce qu'en fait, il y a des gens derrière. Évidemment, ces trois lampistes, là, oui. Derrière, il y avait des gens plus importants. Il y avait Cadoudal, notamment. C'est Cadoudal, probablement un des animateurs de ce réseau. Probablement, on n'en est pas... Oui, on n'est pas sûr de son implication directe dans l'affaire de la rue Saint-Nicaise, parce qu'il y a... Pardonnez-moi le parallèle, mais c'est un peu ça. On est un peu face à une nébuleuse comme ce qu'on a connu ces dernières années, qui va être unifiée un petit peu plus tard. Par exemple, on sait que informé de l'attentat de la rue Saint-Nicaise, du projet, Hyde de Neuville, qui était un des grands chefs de la complot royaliste, a refusé de participer, c'est-à-dire qu'il s'est retiré. Donc, vous voyez, il y avait aussi Neuville qui est encore au-dessus de Cadoudal, si on peut dire. Oui, d'abord l'ampleur du personnage est bien supérieure, puisqu'il a eu un rôle historique ensuite beaucoup plus important, mais on voit bien que le parti royaliste n'est pas à ce moment-là un parti homogène, et en tout cas pas les équipes actions en tout cas. Et là effectivement, on a envoyé sur place les pieds nickelés. D'ailleurs, ils étaient tellement pieds nickelés qu'il y a eu, je crois, 5 ou 6 acquittements au moment du procès. À l'époque, on acquittait quand même un peu difficilement sur ce type d'événement. Là, c'est vraiment parce qu'on s'est trouvé face à des gens qui ont été manipulés, se sont laissés faire. Oui, mais on a un peu l'impression que cette affaire n'a pas été tenue, qu'il n'y a pas de vrai chef, et que c'est d'ailleurs la raison de l'échec, parce que on a tué beaucoup de monde, mais on n'a pas tué les deux qu'on voulait tuer. Exactement, et notamment le principal, Bonaparte. Mais l'échec montre bien que justement on a affaire en l'espèce à des amateurs, et puis surtout ils ont commis des erreurs psychologiques qui ont eu de graves conséquences, enfin de bonnes conséquences pour Bonaparte, mais de graves conséquences pour le parti royaliste. C'est l'emploi de cette petite fille, le fait qu'ils aient fait exploser la bombe dans un quartier populeux, donc on a vraiment, là, vous parliez... Ils auraient voulu se rendre impopulaires. Exactement. Et ils ne se seraient pas pris autrement. Exactement. Et ça a d'ailleurs fort bien marché, puisque vous le disiez, acclamation, Bonaparte... D'ailleurs, en plus, ce dont ils ne se rendaient pas compte, c'est que Bonaparte était très protégé. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, il y a eu plusieurs tentatives d'attentat dans la première année. Et du début à la fin, il a été toujours inaccessible. Il était probablement aussi inaccessible que ne sont nos présidents d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il avait une garde rapprochée, il était toujours protégé par des hommes en uniforme, mais aussi des hommes en civil. Donc, il fallait vraiment des gens techniquement d'un niveau supérieur à ceux-là pour le tuer. Il y avait eu quelques tentatives auparavant. Il y en aura d'autres hein, par la suite. Toute sa vie, hein, Napoléon a été menacé, mais pour rester dans le même type de conspiration, c'est donc la grande conspiration de l'an 12, comme on l'appelle, donc 1803-1804, qui est organisée par Cadoudal, dont le réseau représente probablement plus d'une centaine de personnes à Paris, avec là encore une fois comme objectif le fameux coup essentiel, hein, donc l'enlèvement ou plus probablement l'assassinat. Et cette fois-ci, Cadoudal décide que l'attentat, l'enlèvement ou l'assassinat aura lieu sur la route de Paris à Malmaison, c'est-à-dire dans un endroit un peu plus dégagé, avec un peu plus d'intelligence, en rase campagne, enfin on n'est pas à 200 mètres du palais impérial, bon voilà. Et en réalité, ils vont... Avec tout Paris qui attend dans une salle juste à côté, qui entend l'explosion. Voilà, enfin, voilà. Tout ça est inouï, c'est presque si. Alors, il y a eu des tentatives d'assassinat, à l'intérieur du palais des Tuileries, notamment sous le consulat. On a arrêté un type avec un poignard, etc. Mais enfin, c'était quand même pas très malin que de le faire à ce moment-là. La route de Malmaison était, même si elle était très très protégée, était une idée peut-être un petit peu meilleure. Mais ils n'ont pas pu la mettre en œuvre. Il y aura des conséquences terribles. Alors on va venir aux conséquences politiques, à l'évolution du régime, etc. Mais après cette campagne de 1803-1804, Bonaparte va frapper un grand coup en faisant tuer le duc d'Enghien. Oui. Alors je choque toujours à la fois vos auditeurs et ceux de vos confrères. En disant que si on regarde les choses de façon un peu objective et de façon un peu froide, l'exécution du duc d'Enghien, il a la meilleure chose qu'ait faite Bonaparte au moment où il l'a faite. Ah oui, je comprends. Oui, vous comprenez. C'est-à-dire que il a le besoin à ce moment-là de prouver aux révolutionnaires qu'il est des leurs. Et qu'il n'y aura pas de demi-tour. Voilà, qu'il n'y aura pas de demi-tour. Il sait que le prince que attendent les conspirateurs, c'est le comte d'Artois. Mais le comte d'Artois est en Angleterre, on va avoir du mal. Et puis, il sait, depuis longtemps, on le connaît, le duc d'Enghien, qu'il y a ce duc qui vit à la frontière française sans aucune sécurité, qui publie... Le jeune homme qui est le fils du prince de Condé. Voilà, il publie des brûlots, enfin, etc. On dit toujours jeune homme, il avait le même âge que Bonaparte. Oui, d'ailleurs, oui. Et donc, au fond, pour donner un gage aux révolutionnaires, pour se mettre un tout petit peu de sang bourbon, ou en tout cas de prince du sang sur les mains, bon, on va chercher ce malheureux, on le fusille, et c'est... voilà. Et donc, le lendemain de l'exécution, qui commence à faire la manœuvre pour parvenir à l'Empire, c'est Fouché... Le chef des Jacobins, si l'on veut. Donc, on peut dire que, quelque part, c'est pour répondre à la question de notre auditeur de tout à l'heure, quelque part, l'assassinat du duc d'Enghien est une lointaine réponse à l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Bien sûr. D'ailleurs, Napoléon en a parlé un peu, et beaucoup à Sainte-Hélène, notamment, en disant « Mais qu'est-ce que vous vouliez que je fasse ? On voulait m'abattre comme un chien, et je devais rester comme ça, sans réagir. » Ça a été une mesure... Alors, elle a été évidemment beaucoup critiquée, mais je pense beaucoup plus par les historiens que par les contemporains. Alors, quelles ont été les conséquences politiques de cette affaire ? Parce que, évidemment, on a plus près de nous l'exemple des conséquences politiques considérables des deux attentats contre le général de Gaulle au début des années 60, qui vont aboutir à l'élection du président de la République au suffrage universel. Est-ce qu'on peut dire que, de la même façon, Bonaparte avait déjà tiré des conclusions politiques de cet attentat ? Oui, Bonaparte va tirer un bénéfice immédiat de l'attentat de la rue Saint-Nicaise, puisque d'abord, il va se débarrasser d'une partie du parti jacobin, il va avoir les mains libres pour s'occuper du parti royaliste, on va voter cette fameuse loi sur les tribunaux spéciaux qui va voter sans appel, qui va juger sans appel, pardon, tous ceux qu'on soupçonne de comploter, donc c'est une loi extrêmement sévère. Et puis surtout, il va y avoir autour du premier consul la réunion de tout ce qui forme à ce moment-là le gouvernement, parce que on se dit, au fond, entre l'abîme jacobin et l'inconnu royaliste, voilà un homme qui a l'air de tenir sa boutique, et donc réunissons-nous à lui. Et il ne faut pas oublier non plus qu'au moment de l'attentat de la rue Saint-Nicaise, pour pouvoir déporter les 130 terroristes, Cambacérès, le numéro 2 du régime, trouve une formule extraordinaire qui aura un grand succès, c'est qu'il le fait voter par le Sénat sous forme de ce qu'on a appelé les Senatus Consultes. C'est la première fois qu'on va demander au Sénat, qui était une sorte de juge constitutionnel, oui, de se prononcer, et donc en quelque sorte de modifier un petit peu la Constitution. Et ça aura un grand succès, puisque toutes les grandes modifications constitutionnelles se feront de cette façon. Oui. Alors, on a vu que Napoléon avait tapé d'abord à gauche, puis à droite. Hein. Il a liquidé les Jacobins puis mis fin, en tout cas, singulièrement éclairci les rangs royalistes. On a vu qu'il en tire un profit politique et de, comment on pourrait dire, de popularité. Dans l'opinion, il est d'un seul coup très populaire. Il traduit les choses également dans les faits, dans les institutions. Il va devenir consul à vie, quand même. Oui, un an plus tard, il va y avoir d'abord des succès, là, cette fois-ci, non pas policiers, mais politiques, hein, puisque vous en parliez, on commence le Code civil, on a mis en place les préfectures, on a mis en place toute cette administration. Et puis surtout, pendant ce temps-là, on négocie la paix. Parce qu'on oublie parfois que d'abord Bonaparte a été un homme de paix. Et donc il va y avoir une chaîne de traités qui vont être signés, la paix de Lunéville, février 1801, donc juste après l'attentat. Et puis tout ça se termine par la paix d'Amiens, 25 mars 1802, qui est le moment où la France est à peu près en paix avec l'Europe entière. Et donc ça, la population va en être reconnaissante à Bonaparte. Et donc il va profiter de cette occasion pour essayer de renforcer son pouvoir. Alors le Sénat lui proposera 10 ans de plus, puis il fera lui un plébiscite dans lequel la question sera est-ce que vous voulez qu'il soit consul à vie, hein. Bon, il a un petit peu distordu les choses. Et finalement, le plébiscite de 1802 est le plus grand succès de plébiscite de l'histoire de la Révolution et de l'Empire, puisqu'on est à une participation qui va toucher les 50%, ce qui est énorme à l'époque, hein. Rappelons-nous toujours que la fameuse constitution de 1793, la mythique constitution jacobine, elle a été votée par 3% de la population. Là, on est sur 40% de participation. Alors évidemment, il y a quasiment que des oui. Et donc c'est un très très grand succès. Et on peut le dire, en 1802, au moment où Bonaparte devient consul à vie, quand vous regardez, tout est fait du règne de Napoléon. C'est ça, en fait. La suite va être peut-être c'est un dans peu les dérive. Débuts, voilà, presque voilà. Toujours dans les régimes nouveaux, ce sont les débuts qui sont spectaculaires. Là, ça aura été finalement. Oui, on dit par exemple, nos présidents ont 3 mois. Lui, il avait ses 3 mois, c'était deux ses 2 années. Ouais, voilà, c'est ça, oui, voilà. Alors, il y a aussi une conséquence un peu secondaire, mais qui pour nous autres Parisiens n'est pas nulle, c'est que on va en profiter pour assainir le quartier aussi. Ah, hein. Ça, on va en profiter. Alors, pour ceux qui connaissent Paris, les deux ailes des Tuileries qui s'avancent vers le Carrousel n'existait pas. Hein. Le Louvre était 200 mètres plus loin, voilà, si vous voulez. Donc là, il y avait une espèce de ville. On le voit d'ailleurs, il y a l'atlas de l'âge et Prévost, l'atlas de Paris sous Napoléon qui vient d'être publié, montre bien cette magnifique carte. Il y avait là une espèce de petite ville. Il y avait même d'ailleurs des hôtels particuliers. Par exemple, Cambacérès habitait l'hôtel d'Elbeuf qui se trouvait là. Et Bonaparte va en profiter pour dire bon bah écoutez, puisque on veut relier le Louvre aux Tuileries, il faut nettoyer cette partie. Paris va être transformé, la République va être transformée, au point de devenir d'ailleurs bientôt un empire. Finalement, Bonaparte a gagné dans cette affaire sur tous les plans. Il a eu chaud, mais finalement, comme il s'en est sorti, il en a profité. C'est un homme d'action, hein, donc forcément, il essaye de tirer de chaque événement quelque chose. Peut-être pas de positif, mais quelque chose qui lui permette d'avancer. Merci infiniment Thierry Lenz. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Grand Consulat, réédité chez Fayard en format de poche, hein, la collection plurielle. Oui. Et donc justement, vous racontez toutes ces extraordinaires réformes de fond en comble. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et c'est un retour aux origines aujourd'hui proposé par Fabienne. Fabienne aimerait connaître l'origine de l'aspirine. L'aspirine s'est tirée de l'écorce du saule blanc. Les Grecs déjà utilisaient ça. Hippocrate en parle. Ça soulageait les douleurs. Ça faisait déjà baisser la fièvre. Alors, il faudrait citer là toute une généalogie de chercheurs. Début 19e, en 1825, c'est Francesco Fontana. C'est un Italien qui isole le principe actif de cette écorce. En 29, c'est un pharmacien français, Pierre-Joseph Leroux, qui arrive à produire des cristaux qui sont solubles dans l'eau, on appelle ça la salicine. En 1835, un Allemand, il s'appelle Leuwig, isole le principe actif d'une plante, la reine des prés, et en 53, le chimiste français Gérard obtient la synthèse de l'acide acétylsalicylique. Ça, c'est le vrai nom de l'aspirine. Il faudra attendre, alors c'est un peu compliqué, il y a une petite guerre entre chercheurs, mais c'est la société Bayer, vous savez, qui déposera le brevet de cet acide et qui va appeler ça en 1899. Il y a à peine plus de 100 ans finalement qu'on appelle ça l'aspirine. C'est la marque qui a été déposée par Bayer et qui depuis, vous le savez, est devenue un nom commun. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.